Chapitre 6e, L'homme marqué. Ce fut un événement parisien des plus émotionnants que celui du cambriolage de l'hôtel du riche baron Van Cambre. Tout concourait à courser l'intérêt de cette affaire. Non seulement ce goût des aventures romanesques, des coups de main hardis, l'admiration pour le courage et l'ingéniosité, mais aussi la malignité parisienne y trouvèrent leur compte. Le ficelage du maigre poète précurseur Antime Souffray et de la majestueuse baronne donna, on le devine, lieu à bien des commentaires joyeux, mais cela ne sortait pas toutefois du cercle mondain. Le grand public, lui, voyait surtout en cette affaire le drame, le crime. Si l'on s'étonnait de cette audace de la bande de Zigomar, on admirait sans contrainte la vaillance de la brigade de Paulin Broquet. Paulin Broquet avait sauvé le coffre-fort du baron, tout au moins ce qu'il renfermait, soit plusieurs millions, et il tenait vivant un des cambrioleurs, sans parler du cadavre défiguré d'un complice. Ce qui ajoutait à l'horreur et doublait le mystère de cette capture, c'était l'effroyable traitement infligé à ce malheureux par ses compagnons de crime. Quand Paulin Broquet l'avait ficelé, cet homme était vivant, fortement endommagé assurément par les poings du détective, anéanti, sans connaissance, mais certainement vivant. Voici qu'on leur trouvait le crâne défoncé, la figure brûlée, tué et rendu horriblement méconnaissable. Paulin Broquet comprit la raison de cette profanation. Elle était voulue. C'était une décision atroce, mais indispensable, prise aussitôt et mise sans hésitation à exécution par les aides, car Paulin Broquet et ses hommes avaient cette fois formellement reconnu dans ce prisonnier le comte de la Guérinière. Mais il ne fallait pas qu'on pût reconnaître le comte de la Guérinière et tenter d'établir l'identité de Zigomar. Zigomar devait toujours rester le maître invisible, insaisissable. Or, voici le plus surprenant. Quand le baron Van Cambre, prévenu du drame dont son hôtel venait d'être le théâtre, quitta brusquement sa charmante soirée et accourut avec ses amis, l'un des premiers qui pénétrèrent dans l'hôtel saccagé fut l'élégant comte de la Guérinière, qui n'avait cessé de faire parade de tout son esprit durant ce dîner d'actionnaires, de montrer la plus grande insouciance, la gaieté la plus franchement tranquille. Le comte de la Guérinière, que le clown Simon, en garçon, servit à table, et ne perdit pas de vue un seul instant de toute la soirée. Une question maintenant se posait plus que tous les autres mystères, douloureuse, angoissante. Pourquoi les Zigomar s'étaient-ils décidés à tuer et à défigurer leurs compagnons, en qui Paulin Broquet et ses hommes avaient parfaitement reconnu le comte de la Guérinière? La réponse était facile pour les détectives. Mais précisément pour que cette question ne fût pas posée dans le public, Paulin Broquet donna ordre à sa brigade de ne pas souffler mot de cela. Il fallait absolument qu'on l'ignorât, que personne ne pût en concevoir le soupçon seulement. Il était nécessaire que l'on fût généralement persuadé que cette carbonisation était non voulue, non criminelle, mais le fait seulement d'un tragique hasard. Dans le rapport que la police, le parquet prévenu et la sûreté, en dehors de la brigade de Paulin Broquet, durent établir. On déclara que cet homme, que l'on ne connaissait pas, avait été tué au cours de la bataille. Il semblait acceptable de prétendre que par simple et regrettable accident, ce malheureux était tombé près de l'appareil du chalumeau incandescent qu'il avait défiguré, brûlé. L'enquête suivit donc son cours normal. L'identité du mort devait être établie, et cela ne paraissait pas facile. Quant au cambrioleur blessé, on le transporta à l'infirmerie du dépôt et l'on dut attendre qu'il fût en état de répondre. Fort heureusement, le colosse Grimaud qui avait reçu le coup de poignard dans le dos ne fut pas atteint aussi gravement que tout d'abord on pouvait le redouter. La lame, rencontrant une côte, se faussa. Les os de ce colosse pouvaient lutter de résistance avec le meilleur acier. Le poignard glissa et ne perça aucun organe essentiel. Mais la blessure, sinon mortelle, fut très douloureuse sur le moment et causa l'évanouissement du brave garçon qui gardait le prisonnier. Quand il reprit connaissance et put parler, Paulin Broquet, qui au chevet de son lit guettait ce retour à la vie, lui posa quelques questions. Grimaud y répondit de son mieux. « Voici, chef, ce qui s'est passé. Quand, après m'avoir dit de garder le prisonnier, vous êtes descendu au secours des gens qu'on assassinait en bas, il n'y avait personne, ni dans le bureau du baron Van Cambre, ni même dans les pièces voisines. Personne des Zigomar, bien entendu. Nous avions, nous, tout visité, tout fouillé après la bataille. Je les croyais aussi tous en fuite, Mais voici, chef, que tout à coup, quatre ou cinq zygomares, sortis de je ne sais où, sans bruit, sans que je puisse m'en douter, me sont tombés dessus. Ah ! Ils ont essayé de me prendre, de me renverser. Tu as résisté. D'abord, j'étais surpris. J'ai roulé un peu loin de la table, et j'ai cependant aussitôt commencé la bataille. Je m'en doute, et alors ? J'avais l'air d'un sanglier coiffé qui se débat pour se débarrasser de la meute, accroché à sa peau. Et ils étaient tenaces et solides, les satanés aides. Mais j'avais une consigne, et en tapant un peu dur, j'ai fini par les écarter. Je vois ça, après. Après ? Pendant ce temps, les autres aides avaient coupé les liens du zygomare que vous m'aviez confié. Ils allaient l'emporter. Alors j'ai sauté dessus. Bon. J'ai voulu reprendre mon homme, et comme je le tirais de mon côté, on m'a donné un coup de poignard dans le dos. J'ai pensé qu'il m'avait réglé mon compte. Mais avant de mourir, je ne voulais pas leur laisser emmener votre prisonnier, ou du moins, le leur laisser enlever vivant. Et j'ai fichu un coup de poing sur le crâne de ce zygomare. Il a fait ouf. Le résigné lui sortit par les narines, par la bouche. Tu ne l'avais pas manqué. Non, chef. Les autres le lâchèrent. J'ai repris mon homme. J'ai pu le remettre sur le bureau, comme quand vous me l'avez confié, puis alors... Dame, chef, ayant rempli mon devoir, je n'ai pu tenir plus longtemps au coup de poignard et je suis tombé. Voilà tout, chef, voilà ce que je sais. Grimaud dit tout cela tout simplement, tout naïvement, sans se douter du haut fait qu'il avait accompli. Pour lui, il n'avait fait que remplir la consigne de son chef. Paulin Broquet lui serra chaleureusement les mains et le complimenta. « C'est rien, chef, disait Grimaud, maintenant ému, c'est rien, tous en en feraient autant pour vous. » Et ne sachant mieux dire, il se tourna vers son camarade. « Pas vrai, Simon, pas vrai que t'en ferais autant pour Paulin Broquet ?» Resté avec son compagnon qui le soignait, il lui déclara que les aides étaient rudement forts, que Zygomare était épatant. Mais il affirma que Paulin Broquet, le chef, l'était encore plus, qu'on aurait une belle revanche. Cette affaire au demeurant passionnait Paulin Broquet. Le duel sans merci était engagé entre lui et Zygomare, entre la justice et le crime. Il sentait que l'on suivait dans le public avec angoisse le combat, qu'on en attendait l'issue. On savait que Paulin Broquet avait eu affaire aux zygomares, mais on eût voulu savoir en outre s'il était parvenu à prendre le chef et si le blessé, si l'homme à la figure carbonisée, était ou non le fameux zygomare. Et cela, on le demandait à Paulin Broquet. On attendait de lui impatiemment une réponse définitive. On ne se doutait pas que lui-même eût voulu le savoir et être plus que tout autre fixé sur ce point. Pour dire vrai, Paulin Broquet tout d'abord avait supposé, ce qui semblait tout naturel, que ce comte de la Guérinière était un aventurier quelconque qui se parait d'un nom d'emprunt. Depuis l'affaire de la rue Lepelletier, depuis que le comte de la Guérinière se trouvait mêlé à l'assassinat du banquier Montreuil, Paulin Broquet avait fait une enquête très sérieuse, très serrée sur cet étrange personnage. Il avait acquis la certitude que le comte de la Guérinière était un gentilhomme authentique, dont la généalogie était certaine, la filiation prouvée. On pouvait le suivre, pour ainsi dire, pas à pas dans la vie de surface qu'est celle de mondain qu'il menait. Paulin Broquet apprit toutefois que le comte de la Guérinière, père de celui-ci, ne possédait pas de fortune, qu'il vivait assez simplement et durement des revenus incertains d'une maigre propriété qu'il exploitait lui-même, au demeurant un excellent et digne homme dont l'existence fut loin d'être heureuse. Son fils se vit forcé de donner sa démission d'officier. Il va mener à Paris la vie de noble désœuvré, sans le sou, qui courait l'aventure, attendant le mariage à grosse dot. Il vivait assez misérablement, faisant des dupes, mêlé à quelques affaires de spéculation douteuse, louant son titre pour figurer dans les listes de conseils d'administration, d'opérations financières plus ou moins louches, qui aiment montrer à leur tête quelques noms sonores, des titres de noblesse, auxquels les gogos croient encore. Le plus certain revenu de cet authentique gentilhomme, en attendant le sourire de la jeune dame de cœur qu'il ferait comtesse, était le secours de la dame de pique qu'il invoquait chaque soir. Ne parlons pas du concours des autres dames qu'il ne refusait jamais. Il fut, au cours de sa carrière de bohème mondain, compromis dans plusieurs histoires peu claires. On trouvait toujours son nom quand la police fermait un cercle mixte où fréquentait les vieilles dames diamantées. On racontait sur lui quelques anecdotes de tricherie, d'indélicatesse au jeu, mais cela, affirmait-il, était de tradition de la noblesse, il ne dérogeait pas, cela ne comportait à ses yeux aucune importance. D'ailleurs, très fort aux armes, on le savait toujours prêt à défendre son honneur, qui depuis fort longtemps n'existait plus, et sur lequel, probablement pour cela, il se montrait extrêmement chatouilleux. Puis un jour, tout changea. Le comte de la Guérinière abandonna la chambre meublée qu'il occupait chez Madame Agathe, rue d'Amsterdam. Madame Agathe tenait des chambres meublées et des salons galamment occupés. Elle avait pour le fringant comte de la Guérinière, pour son Faustin, des attentions de mère. Elle le logeait et lui donnait les repas du matin à bon compte, n'osant jamais lui présenter la quittance. Ce fut pour Madame Agathe un crève-cœur, un déchirement sans nom, quand Faustin, ayant fait, prétendait-il, un héritage inattendu, la quitta brusquement. Il sembla à cette bonne Madame Agathe qu'elle devenait veuve et perdait son fils à la fois. Elle ne s'en consola pas. Le comte de la Guérinière, d'ailleurs, avant de partir, paya la note sans discuter, en parfait gentilhomme. Il alla habiter un petit hôtel délicieux. Peu après, Madame Agathe apprenait, pauvre femme, que Faustin était l'amant de Lucette Minois, l'étoile charmante de Lutetia. Ici, Paulin Broquet se souvint avoir eu affaire pour la première fois au comte de la Guérinière. Le comte vint déposer plainte contre un voleur inconnu qui avait soustrait un magnifique collier à sa maîtresse, Lucette Minois. Mais de tout cela, il résultait que l'authenticité du comte était indiscutable et que si vraiment le comte de la Guérinière et Zigomar ne faisaient qu'un, cet homme était admirable. « Ce Zigomar, déclarait Paulin Broquet, est l'un des plus extraordinaires bandits qu'on puisse voir. » Mais en lui-même, Paulin Broquet se disait que logiquement, malgré sa force, son adresse, sa vigueur et sa merveilleuse ingéniosité, le comte de la Guérinière ne pouvait se trouver en même temps en deux endroits différents. Être à la fois le comte de la Guérinière bien en vue, riant, soupant avec de belles filles, faisant de l'esprit, et à la même heure, être ailleurs le Zigomar impitoyable assassin. La logique de l'existence moderne, si loin de tout roman et de tout merveilleux, ne permettait pas de l'admettre. Y avait-il deux comtes de la Guérinière ou deux Zigomar? Y avait-il un Zigomar se grimant en comte de la Guérinière? C'est ce que voulait maintenant à toute force découvrir Paulin Broquet. Les circonstances allaient le servir. Nous savons qu'au dépôt, le lendemain de l'arrestation de Riri, le comte de la Guérinière eut l'aplomb de se présenter pour offrir à la jeune fille son concours, son appui. Et nous savons de quelle façon cavalière, Raoul Montreuil, intervenant fort à propos, le chassa. À la suite de cette grave offense, Raoul s'attendait à recevoir les témoins du comte. Il n'en fut rien. Or, Raoul et son frère Robert eussent été heureux de tenir le comte au bout de leur épée, de venger leur père, dont ils croyaient fermement que cet homme était l'assassin. Ils cherchaient vraiment tous deux le prétexte qui amènerait le comte sur le terrain. Et fort de leurs droits, ayant confiance en la justice, ils se sentaient certains l'un ou l'autre de faire expier à ce misérable audacieux ses forfaits. Ils croyaient fermement que l'un ou l'autre, comme l'espérait Raymonde, ils arriveraient à tuer ce misérable. Mais, après l'incident du dépôt, le comte de la Guérinière parut se dérober, fuir les deux frères, qui pendant quelques jours n'eurent de lui aucune nouvelle. Cela les inquiétait. Raoul se mit en campagne pour rejoindre le comte et de nouveau le provoquer. Par suite d'un de ces hasards de la vie parisienne, d'une de ces rencontres comme il ne s'en fait que sur les trottoirs de cette ville où tout est un peu théâtre, à la sortie d'un grand magasin où elle venait de faire des achats, Raymonde avec son frère Raoul, Madame Laurent avec Riri, se croisèrent et se rejoignirent au moment où le comte de la Guérinière, débouchant à l'improviste, se trouva en face de Riri, un peu écarté par la foule et séparé de Madame Laurent. La croyant seule, le comte, surpris, ne réfléchissant pas, lui cependant si prudent d'habitude, se hasarda à arrêter Riri, à lui parler, à vouloir, sous prétexte de l'attirer de la foule, lui prendre la main. Riri, effrayée, toute pâle, tremblante, ne savait comment se débarrasser de l'importun, quand Raoul l'aperçut et la délivra. Il y eut échange de mots vifs entre lui et le comte. Comme, tout près, se trouvaient des amis, des gens qui les connaissaient tous deux et qui avaient vu la scène, le comte de la Guérinière ne voulut pas se laisser froisser par l'avocat sans répondre vertement. Il sacrifia sa prudente réserve à son amour-propre, à sa gloriole devant la galerie. « Monsieur, dit le jeune avocat, vous venez d'insulter une fois de plus cette jeune fille. Je suis son avocat, son défenseur. Je prends aujourd'hui sa défense ici, comme je la prendrai au palais, et je vous dis que vous êtes un goujat. Monsieur, l'offense que vous lui faites, je la tiens à mon compte. C'est à moi que vous en rendrez raison. Demain, mes témoins seront chez vous. » Tout Paris, le soir, connut cette altercation. Le duel était inévitable. Le lendemain donc, les témoins de Raoul se présentaient chez le comte de la Guérinière. C'était un ami du barreau, un confrère, et un ami du capitaine de Rennebois, tous deux bons escrimeurs et très au courant de ces sortes d'affaires. Le comte de la Guérinière les mit en rapport avec deux de ses amis, le baron du Jard et le très décoratif baron Dupont. Contre l'attente des témoins de l'avocat, ces messieurs déclarèrent que le comte de la Guérinière refusait absolument toute rencontre avec Raoul ou Robert Montreuil. Comme les témoins de l'avocat insistaient, le superbe baron Dupont prit la parole et prononça solennellement « Notre client compte à son actif une vingtaine de duels, tous heureux. Sa bravoure ne peut être mise en jeu. Il refuse de se battre avec Raoul Montreuil, il en a le droit. Sa force aux armes, son passé, lui permettent de décliner cette rencontre. D'ailleurs, toute rencontre serait sans raison valable. Si le comte a offensé Mademoiselle Ménardier, c'est sans le vouloir. Il se tient prêt à lui faire publiquement toutes les excuses qu'elle exigera. » Les témoins de Raoul insistèrent. « Messieurs, leur dit encore le baron Dupont, il est en plus de cela une raison qui justifie ce refus. Vous auriez dû la garder présente à la mémoire et ne pas nous obliger à la rappeler ici. À un moment donné, par une suite de coïncidences fâcheuses, le nom du comte de la Guérinière fut prononcé au sujet de l'affaire de la banque Montreuil. La bienséance défaut au comte de la Guérinière de risquer de tuer le fils, quand il s'est vu dans l'obligation douloureuse de faire reconnaître sa parfaite innocence dans l'assassinat du père. » Les témoins de Raoul n'avaient qu'à se retirer. Mais Raoul entra dans une fureur épouvantable quand on lui fit part du résultat de l'entrevue. Il parlait de brûler la cervelle de ce misérable. On eut du mal à le calmer. Alors le capitaine de Rennebois eut l'idée de se substituer à son futur beau-frère et de prendre l'affaire pour lui. Il y avait, au moment de l'altercation de Raoul et du comte, sa fiancée Raymonde. Les règles du duel lui permettaient de prendre la place de celui à qui on refusait réparation et qui allait être son parent. L'affaire, cette fois, marcha rapidement. Deux jours après, dans une allée du jardin de la villa d'André-Girardet, le comte de la Guérinière croise le fer avec le capitaine de Rennebois. Le combat fut très ardent. Le comte de la Guérinière avait dit à ses amis avec qui il parla de cette affaire pendant les préliminaires de la rencontre « Cette fois, je n'aurai aucun scrupule. Ils ont cherché cette affaire, ils veulent me tuer, ils m'ont poussé à bout. Je n'ai pas à ménager le capitaine. Il tire l'épée comme un militaire, c'est-à-dire très mal, tant pis pour lui. Je vais lui loger mon fer dans le corps. » Le comte se trompait. Le capitaine, quoique militaire, tirait fort bien. Longtemps, le combat fut indécis. Il y eut de nombreuses reprises sans résultat. La rencontre était tenue absolument secrète. Personne n'y assistait. Cependant, Paulin Broquet et Gabriel, cachés derrière un massif, déguisés en valets de pied et en valets de chambre, suivaient avec la plus grande attention les péripéties de ce duel. Paulin Broquet attachait à cette rencontre une extrême importance, non pas seulement à cause de l'issue du duel, qu'il espérait heureuse pour ses amis, mais parce qu'il pouvait mieux encore que lors du duel avec le journaliste Marc Collas étudier le comte de la Guérinière. Le détective, on s'en souvient, avait annoncé quand il procéda à l'enquête lors de l'assassinat du banquier Montreuil que l'assassin était gaucher. Depuis, à maintes reprises, il avait, en se trouvant en face du comte de la Guérinière, cherché à acquérir une certitude sur ce détail dont on voit l'importance. Le comte est-il gaucher ou droitier ? Jusqu'à présent, il ne lui avait pas été possible de l'établir définitivement. Paulin Broquet tenait absolument à le préciser. Lors du duel avec Marc Collas, le comte de la Guérinière se servit de la main droite. Mais le gentleman cambrioleur, qui le soir du vol du collier de la baronne Vancambre tira sur lui un coup de revolver, ce gentleman, dans lequel Paulin Broquet voulait reconnaître le comte, ce gentleman employa la main gauche. C'était à n'y rien comprendre. Aujourd'hui, l'adversaire du capitaine se servait encore de la main droite, et cependant, Paulin Broquet remarqua qu'une fois ou deux, après un repos entre des reprises plus dures, plus énervantes, il rentrait dans la piste tenant l'épée de la main gauche. Il se remettait en garde, en passant vivement son épée dans la main droite. L'incertitude, donc, restait la même. « Ah, je saurai quand même, » se dit Paulin Broquet, « je saurai. » Pendant les préparatifs du combat, Paulin Broquet s'était mis à la disposition du comte pour le déshabiller, le soigner. Il était le valet de chambre désigné par André Girardet. Lorsque le comte quitta avec ses témoins la chambre qui lui avait été donnée pour se déshabiller, Paulin Broquet s'y attarda, sous prétexte de ranger les effets. Quand il fut seul dans la pièce, il glissa dans la poche du gilet du comte une petite ampoule de verre qui contenait un liquide incolore. Et il alla promptement assister au combat. Le capitaine paraissait assurément beaucoup moins vigoureux, beaucoup moins entraîné que son adversaire. Comme Marcolas, il ne sut pas, en face de ce dualiste merveilleusement redoutable, garder tout son sang-froid. Il se laissa emporter par ses nerfs. Il oublia la prudence, et il commit la faute, pour en finir plus vite, d'employer la violence. Il oublia ce principe de vieux maître. L'épée est femme, elle se manie comme une fleur, et vous trahit comme une femme qu'on brutalise. Son jeu se désunit, et la punition arriva peu après. L'épée du comte, à la nouvelle reprise plus bouillante, l'atteignait profondément à l'avant-bras et le mettait dans l'impossibilité de continuer. À vrai dire, le comte espérait mieux, mais il était de son côté heureux d'en finir sans dommage. On emporta le capitaine. Robert et un autre docteur lui prodiguèrent leurs soins, le forcèrent à se coucher dans le salon d'André Girardet, qui lui offrit cordialement son grand divan de malade. Pendant ce temps, Paulin Broquet aidait le comte à se vêtir. Malgré tout l'empire que cet homme admirablement trempé avait sur lui-même, il ne parvenait pas à dominer un énervement très prononcé et à empêcher ses membres de frissonner. C'est qu'il se sentait ici très mal à son aise, dans ce jardin, dans cette villa. Cependant, il n'avait pu refuser le lieu de la rencontre. Il lui tardait maintenant, de même assurément qu'au brillant baron Dupont et aussi au baron Dujard, de quitter le plus tôt possible cette maison. Ce voisinage leur rappelait des heures d'inquiétude. La villa touchait trop à leur gré, à la villa où Riri leur avait été enlevée si habilement par leurs ennemis implacables. Ils n'aimaient pas beaucoup revenir aux endroits où ils avaient échoué dans une entreprise, de même qu'il leur était très désagréable de se trouver en face de gens qu'ils sentaient plus forts. Il fallait même que le trouble du comte et son désir de partir fussent grands, pour qu'il ne portât pas plus grande attention au valet de chambre que le propriétaire de la villa mettait à son service. Il ne se douta de rien, et sa méfiance très grande cependant ne fut même pas mise en éveil. Paulin Broquet habilla donc le comte de la Guérinière. Il lui passa son gilet, sa jaquette, son paletot. Puis, comme pour effacer un mauvais pli et donner un coup de brosse, il appuya de la main sur le côté droit de la jaquette. Sous la pression de la main, le détective sentit la petite ampoule placée dans le gilet craquer. Il garda cet endroit la main appuyée et brossa tout autour très soigneusement. Quand un moment après, le comte de la Guérinière avec ses amis quittait la villa, Paulin Broquet, qui les regardait partir en auto, se disait « Oui, tu peux aller maintenant, comte de la Guérinière. Qui que tu sois, je t'ai marqué. Je pourrai te reconnaître. Je saurai qui tu es. » L'ampoule contenait un liquide corrosif, mais qui, tout en ne causant qu'une souffrance, laissait sur la peau une trace que rien ne pouvait enlever. Le corrosif tatouait fortement. Aucun produit chimique ne parvenait à éliminer la marque. Sous aucun réactif, la tache ne s'effaçait. Il lui fallut brûler la peau avec le fer rouge ou le vitriol. Mais alors une autre marque, douloureuse et qui eût probablement rempli le même office que celle-ci, eût subsisté. Le temps seul arrivait à la détruire. Encore fallait-il 2 ou 3 ans. Donc, le comte de la Guérinière s'en allait maintenant marquer pour longtemps. Et Paulin Broquet savait dès à présent qu'il reconnaîtrait son homme.